Dikobanyanga. Merci de rester branché sur Isanganiro. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs, à ce journal de la mi-journée de ce mardi 10 mai 2022, dont voici d'abord le sommaire. Décernement des prix genre et médias ce mardi aux 5 journalistes dont différents organes de presse par l'association des femmes juristes. C'est après passation du concours sous le thème lutte contre les violences basées sur le genre. Montée exponentielle des cas de paludisme sur 15 collines de la province Karoussi durant les 3 derniers mois. Pour faire face à cette maladie, le bureau provincial de la santé compte installer des cliniques mobiles sur les collines à partir de ce mercredi. Et la chronique santé de ce mardi revient sur les rapports sexuels d'avant l'âge de 15 ans qui sont déconseillés. François Kimana assure la mise en œuvre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page justice. 15 ans de servitude pénale, 7 ans de prison ferme et un dédommagement de 16 millions de francs burundais. C'est la condamnation du tribunal de grande instance d'Ngozi à l'endroit des 7 militants du parti CNL originaire de la commune Kiremba, province Ngozi, ce mardi, accusés de tentative d'assassinat et extorsion d'argent aux victimes. C'est après des affrontements entre les militants de ce parti CNL et ceux du CNDD-FDD sur la colline Ryumu en commune Kiremba de la province Ngozi la nuit du 24 avril dernier. 5 journalistes de différents organes de presse, dont celle de la radio-télévision Isanganiro, Raissa Liliane Namahoro, ont perçu le prix Genre et Médias ce mardi, édition 2022, organisée par l'association des femmes juristes AFJO, sous le thème « Lutte contre les violences basées sur le genre ». Diane Ndonsé, présidente de l'AFJO, explique pourquoi le choix de ce thème. On l'écoute dans ses propos recueillis par Vestine Neboutoyi et traité par Jean-Marie Mayunga. L'AFJO est très satisfaite d'ailleurs parce que nous avons eu 47 productions, c'est-à-dire que les compétiteurs, les producteurs de ces émissions ont jugé bon ces productions-là parce que c'était des productions qui intègrent le genre. C'est vraiment un fléau dans notre pays comme ailleurs dans le monde. Par exemple, il y a le centre Seluka qui montre que chaque année, il y a 1500 femmes-filles qui subissent des violences basées sur le genre, des violences sexuelles. Donc, vous comprenez que c'est vraiment alarmant. Donc, c'est pourquoi nous interpellons vous, les journalistes, de travailler sur ces sujets-là qui intègrent le genre et surtout qui luttent contre les violences basées sur le genre parce que c'est là que les victimes, les bourreaux vont être informés sur ces violences et tout le monde va participer à lutter contre ces violences et les décideurs aussi de prendre des décisions, d'appliquer la loi pour lutter contre ces violences parce que c'est vraiment quelque chose qui empêche le développement du pays. Diane Ndonsé, présidente de la FJO, Association des journalistes et des femmes journalistes. Page agriculture à présent, de nouvelles usines de production de fertilisants seront bientôt construites. Une à Gitega, une autre à Rutana, annoncée faite ce lundi par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage lors de la présentation du bilan des réalisations du troisième trimestre 2021-2022. Deo Guiderurema précise que l'usine FOMI qui fabrique les fertilisants organominéraux et aujourd'hui dépassé par une forte demande, je propose de le suivre. Il est traduit par Moïse Moussago. L'agriculture était beaucoup négligée, mais le chef de l'État a priorisé ce secteur comme base de développement en accordant une grande place à l'agriculteur. À partir de là, des simples agriculteurs, des fonctionnaires de l'État, les hautes autorités, y compris le président de la République, se sont orientés dans l'agriculture. Et là, s'ajoute le mouvement coopératif de la population qui ont mis ensemble des champs. Ce n'est pas uniquement le problème de l'engrais chimique, il y a eu aussi risque de marque de semences suite à l'augmentation des effectifs des gens qui ont investi dans ce secteur. Mais ce problème de semences a été vite résolu. pour ce problème d'engrais, l'usine FOMI a été dépassée. Je peux tranquilliser la population qu'il y a une nouvelle usine de fabrication des fertilisants qui va être construite à Gitega. L'usine appartient aux opérateurs économiques qui se sont mis ensemble. Mais aussi, le propriétaire de FOMI est en train de construire une deuxième usine de fabrication de l'engrais dans la province de Rutana. Nous interpellons ceux qui ont des capitaux d'investir dans le secteur agricole. C'est un secteur prometteur pour la population ainsi que pour le pays. Au cours de cette présentation des réalisations, le ministre Rurema a tenu à préciser que le gouvernement burundais compte étendre les champs de canne à sucre pour pallier le manque répétitif du sucre. Encore une fois, suivez le ministre de Ogite Rurema. Je tranquillise les Burundais que le gouvernement a pris en main la question du sucre. C'est pourquoi on fait tout pour étendre les champs de plantation de canne à sucre pour avoir une grande production. Il y a même une étude qu'on a menée concernant la réhabilitation de l'usine Sosumo ainsi que la construction d'une nouvelle usine. On l'a même présentée au gouvernement pour que le sucre puisse arriver à la population et aux usines de transformation des jus. Cette opération devra être menée officiellement au vu des autorités administratives, le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, ainsi que les commerçants du sucre. Vous le savez vous-même que, quelquefois, le sucre qui était destiné à la population soit illicitement vendu. Vous le savez tous et nous remercions à ceux qui dénoncent ce commerce. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Entamons les nouvelles des provinces. Page santé en province Karoussi. Les cas de malaria ont exponentiellement monté sur 15 collines de la province Karoussi durant les trois derniers mois. Cela est dit par le médecin provincial et comme l'indique le communiqué lancé ce dimanche dans les lieux publics de la province. Docteur Leundas Ndzisavira indique que comme mesure de lutte contre cette maladie, des cliniques mobiles seront installées sur ces collines à partir de ce mercredi pour les soins à domicile. Les détails avec Blaise Pascal Karalumi. Le médecin provincial de Karoussi informe que les populations qui sont sur 15 collines de 145 collines de la province centrale de Karoussi sont menacées par le paludisme et cela durant les trois mois passés. Il fait savoir que le district Nyabikele est beaucoup plus touché et qu'on y a déjà recensé 8 collines qui sont les plus menacées que d'autres, et les 7 autres collines étant du district sanitaire d'Obuhiga. Docteur Wanda Nzisabira a expliqué que les effectifs des malades de la malaria ont exponentiellement monté, allant au double et même plus par rapport aux effectifs habituels. Il indique que c'est de là qu'ils ont contacté les partenaires qui aident la province car aussi dans ce secteur de la santé afin de les aider pour voir comment rabaisser les effectifs des malades. Docteur Leonidas, comme il l'a dit dans le communiqué envoyé dans les lieux publics et dans les églises, des cliniques mobiles seront installées sur toutes ces collines ciblées depuis ce mercredi pour que la population puisse bénéficier des soins à domicile, comme explique le médecin provincial. Il demande aux habitants de Karoussi chaque fois aller contacter les agents de santé une fois qu'ils sont suspectés d'être malades. Entre autres les raisons qu'il explique, ce sont les flaques d'eau qui se sont formées suite à la saison pluvieuse durant les trois mois derniers. Mais aussi, il cite les moustiquaires qui ont été distribués à la population et qu'il qualifie de vétustes. Il tranquillise que ce mois de juin, un programme de distribution des moustiquaires à la population serait prévu. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Blaise Pascal Kararoumié de Karoussi, rendons-nous à Kayanza pour parler éducation. Certains des enseignants représentant les institutions pères et tantes dans différentes écoles de la province scolaire Kayanza disent ne pas avoir des connaissances suffisantes sur le comportement de l'enfant. Ils demandent aux instances habilitées de renforcer leurs capacités pour accomplir convenablement les missions leur assignées. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, déclare que cette question a été soumise au ministère de tutelle pour y remédier. Les détails avec Patrick Sengiouf. Depuis l'année passée que ces institutions dites père-étantes ont été mises en place, les enseignants qui les représentent à différentes écoles à Kayanza contactées disent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à exercer cette tâche. Ils disent qu'ils ne connaissent pas même leur cahier de charges du fait que depuis qu'ils ont été votés par les élèves, les chargés du secteur de l'éducation n'ont pas organisé et tenu des réunions à leur endroit afin de renforcer les capacités, surtout dans le domaine de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, déplore-t-il. Ils demandent d'être appuyés pour accomplir convenablement les missions leur assignées. Les pères et tantes, Olise Gattara et Olise Kayanza contactés, disent que souvent ils se retrouvent dans l'impossibilité d'aider les élèves à surmonter certains de leurs problèmes, si surtout ils prennent racine dans leurs familles respectives. Pourtant, de l'autre côté, certains pères et tantes qui ont subi une formation sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent de la part du CAIR international via le projet Menumenieche disent que les enseignements reçus leur ont permis d'améliorer leurs prestations. Diana Koumana, directrice de l'Ecofor Ganza en où ce projet intervient, le confirme. Bishop André Florian Dabarushimana, superviseur provincial du projet, demande aux autres partenaires en matière de l'éducation d'intervenir pour soutenir ces institutions de père étant. D'après lui, aux écoles d'intervention, on assiste à la diminution du taux de décrochage scolaire. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, l'on déplore qu'à certaines écoles, ces institutions ne fonctionnent pas convenablement. Désiré Atungimana, directeur, indique pourtant que la situation s'améliorera bien les jours à venir avec la formation prévue à l'endroit des pères et tantes, surtout dans les provinces qui enregistrent un grand taux d'abandon scolaire suite aux grossesses non désirées. Depuis Kayanza, Patrick Kensengi va pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengi, on va de Kayanza, rendons-nous à Ngozi, où les professeurs des cours de sciences et technologies de différentes écoles de la province Ngozi sont appelés à occuper les heures des cours épuisés afin de terminer tout le programme dans ce cours, car bon nombre sont en arrière. Jean-Pierre Ndikouliayo, directeur provincial de l'enseignement à Ngozi, demande plus d'efforts en enseignant même les samedis, dit quitte à permettre aux apprenants de voir tous les thèmes pour mieux affronter le concours national qui débute le 31 de ce mois de mai. Jean-Pierre Ndikouliayo tranquillise qu'à part ce problème, tout le nécessaire pour l'obtention de bons résultats est en place. Les détails avec Apollinaire Mutsakara. Comme l'indique le directeur provincial de l'enseignement à Ngozi, cette province enregistre cette année scolaire 4125 candidats au concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental, concours qui se déroulera du 31 mai au 2 juin prochain sur tout le territoire national. 143 surveillants répartis dans 54 centres de passation ont été inventoriés selon Jean-Pierre Ndikouliaï. Son directeur provincial de l'enseignement indique que les préparatifs bon bon train dans cette province, car presque tous les programmes ont été achevés, précisant que les professeurs et élèves sont à la phase des épreuves type. Le seul cours qui reste problématique est celui de sciences et technologies, qui est selon lui très volumineux. Bon nombre de professeurs n'ont pas épuisé le programme. Il demande à ces derniers de tout faire pour enseigner les samedis et si possible prendre des séances d'autres cours dont les chapitres ont été épuisés. La question de savoir la stratégie prise pour trouver du carburant à cette période de pénurie qui perdure, le DPN Ngozi demande aux autorités hiérarchiques d'y penser le plus tôt possible pour que ce concours se fasse dans toute tranquillité. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. Rendons-nous au sud pour parler également de l'éducation. Un enseignant bénévole prestant à l'école fondamentale de Nyamubu en commune et province Rumonge a déserté le service ce lundi. Certains parmi les parents d'élèves étaient en effet à sa recherche, l'accusant d'avoir violé une de ses élèves la veille. Noël Fitzigiro, directeur de cette école, dit que l'urgence a été la résiliation du contrat entre l'école et cet enseignant. Ce directeur voudrait la synergie de tous les partenaires de l'éducation pour éradiquer ce phénomène, ce cas étant le deuxième en moins de mois après celui survenu au lycée communal Nyamibou d'à côté, comme nous l'a dit notre confrère Jean-Pierre Misako. Radio Isanganiro, chronique santé.